Eh bien bonjour vous les amis, vous êtes bien sur Fadjack 93.2 pour l'émission Call du Beloved. Eh oui, cette émission qui détend tout le monde, que tout le monde aime. Sur ce, j'espère que vous allez bien en ce jeune dimanche. Allez les amis, je vous propose qu'on démarre cette magnifique émission. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous passer du reggae latino. Eh oui, ça peut paraître un petit peu bizarre parce qu'on a l'habitude que le latino soit très remuant et tout ça, mais là c'est en reggae, mais je vous assure que c'est juste fantastique les amis. Et je vous propose aussi qu'on commence avec le premier chanteur du coup qui se nomme Manu Chao. Je pense que tout le monde connaît la chanson Bango Bang. Allez les amis, c'est parti. Queen of the Mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come, baby. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. J'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus. Eh bien voilà mes rastas, c'était Manu Chao, Bongo Bang. Allez, le prochain artiste se nomme Un Deseo. Il va nous interpréter la chanson Cultura Profetiza. Allez, c'est parti mes rastas. Fácil decirlo, pero como cuesta dar con ese instante para decirte que tengo una intriga que no descansa, tengo mucha curiosidad y aunque el agua está bien clara no veo cómo saltar y ya sé que todo miedo la curiosidad y te vas de vuelta a casa perdiendo en vez de ganar, pero ya sé que todo miedo esconde un deseo y más, más y más lo creo. Cuando muy de cerca te tengo ya no me quedo. bien voilà mes rastas, c'était Cultura Profetisa de Undeso. Allez, notre troisième artiste, c'est une femme qui s'appelle Harmiga. Elle nous reprend une chanson très populaire qui s'appelle Porque Te Vas. Vous allez voir, c'est juste formidable. Se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. Voilà les amis, c'était Porque Te Vas. Allez, l'artiste suivant s'appelle Leon Reggae. Le titre de la chanson est Te Fuiste. Et on se retrouve juste après. Quiso acompañar hacia el bosque, debí caminar y antes. de marcharte, me miraste una vez más. Mi voz sonó y te compartí que me gustaba todo lo que había en ti, pero que si querías solo mi amistad, no tenías que dudar, yo te la iba a brindar. Escuché tu suspirar y a tus labios vi contar que estabas muy enamorada de mi hablar, pero con tu realidad no había posibilidad, porque yo no. C'était Leon Reggae. Allez, le cinquième artiste, les amis, c'est un artiste que j'adore. Il se nomme Tarmac et la chanson s'appelle Mi Alma. Si la CIA libère la mente, tiempo de confusion. Babylon attaque la mente. Falla bomba. L'exito. Quemamos a Babylon con el fuego. No la dejen apagar. Música consciente, falla. Mi alma está en paz. Alors les amis, c'est pas de la folie franchement cette chanson hein. Ah là là, mais qu'est-ce que j'adore cette chanson, je vous assure. Oh, allez, le sixième artiste, eh ben il est espagnol, son nom est Little Pepe et il va chanter A Trabajar. Hola mi reina. ¿Qué tal, cariño? Todo bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, aquí en la casa. ¿Y tú cuándo vuelves? Pues si Dios quiere el lunes estoy allá contigo. Et bien voilà les amis, c'était Little Pepe. Allez les amis, notre avant-dernier artiste est Gamba Jabari et la chanson s'appelle Vengo Buscando. Allez. bien voilà les amis, c'était Gambo Jabari. Allez mes Rasta, notre dernier chanteur s'appelle Mato Seco et il va chanter Ok Bosse da Pravida. Allez, c'est parti. Céus acompanhados de tantas lágrimas, brilhos que os olhos maus simplesmente não conseguem ver. Fico triste de ver meu Deus chorar e de tanta coisa errada, muitas mágoas de tempos passados que não dá pra esquecer. Que fazemos e não nos lembramos mais que um dia a vida vem e cobra de você. Se a chuva é purificação, então deixa molhar. Então deixa molhar. Et bien voilà les amis, cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous, bonne semaine à tous, et on se donne rendez-vous dimanche prochain sur Fadjet à 21h. Salut tout le monde. Tout tem o seu valor. Precisamos aprender à aceitar o que a vida nos dá. Às vezes perdemos aqui para lhe ganhar. O que você dá pra vida é